Et je dis comme des tonnes et des tonnes, même si dans des connes, des fois je déconne, mais ça m'étonne, même si je sais qu'on se ment les uns les autres, je sais qu'on fait des faux. Ça vaut pas la peine de finir aux infos, seul dans la foule, choquant comme un fou. Qu'est-ce que tu fous? Mais moi qui suis-je? Je voudrais qu'on me le dise. Un type droit ou bancal, comme la tour de Pise. Ma voix est-il infect? Le rime exquise. Dis-moi si je suis correct. Dis-moi si je t'épuise. Écris-moi encore si tu veux que je continue. Mais dis-moi arrête, c'est bon. Si tu en as plein le dos et que je t'endors. Mais si mon art tu bouges la tête, mec, et fais-moi tourner ton bédo. Mais qui suis-je? Pas à l'église. Yo. The beat and the voice. Yeah. Ooh la la. Groovy.